Regarde cette femme, là, derrière. Elle est superbe. Celle qui porte une robe rouge ? Non, pas celle-là. Celle qui porte un pull bleu. Cette fille énorme ? Tu la trouves belle ? Moi, je préfère celle-là, là-bas. Celle qui lit un magazine. Quoi ? Celle-là ? Cette espèce de squelette ?